Salut! Vous écoutez le 895 de Radio Diouf et c'est le moment d'écouter l'émission des litres de salive. Aujourd'hui, on va parler irritation, énervement, voire franche colère à travers des textes divers, variés. Et puis on va extérioriser tout ça en s'appuyant sur un petit peu de musique bien expressive. C'est le moment de libérer la chatte. Est-ce que les garçons ne mettraient pas les filles qu'ils aiment vraiment beaucoup dans une sorte de bulle imaginaire sur un piédestal dont elles ne pourraient plus descendre? Ça peut arriver, tu crois? J'admets que je trouve les hommes physiquement attirants, mais sur le plan affectif, ils sont arriérés. Blabla, Gaïa, blabla, le monde, pouvoir de la vie menstruelle, etc. Mais combien de fois t'as simulé? Il y a des hommes beaucoup mieux que lui, dont la cervelle n'est pas détériorée par des histoires de pénis. Ah, c'est que ça alors? T'es juste venu me pomper des infos. Qu'est-ce que tu voulais que je te pompe d'autre? Moi j'adore les histoires de pénis. Oh là là, voilà un béguin que j'aimerais me faire. Tu n'es pas la première femme avec qui je sors. Mais t'es pas la première hétéro avec qui je sors. Hétéro? Je pourrais te chevaucher jusqu'à ce que tu me demandes grâce et que tes yeux se révulsent. J'ai une force que même dans tes rêves, tu n'oserais m'envier. J'aurais un plaisir fou à te broyer pour te voir exploser comme un bouchon de champagne et tu me supplieras de te maltraiter un peu plus. Des litres de salive pour faire glisser des mots, pour humecter des muqueuses, lécher des plaies et cracher sur l'amour. Et on cracherait dessus jusqu'à le réhydrater, jusqu'à ce que le petit haricot sec, radin, hétérocentré, hétéronormé, hétérochiant, devienne un joli truc tout palpitant, luisant, doux et rebondi qu'on aurait envie de glisser entre nos lèvres. Bienvenue dans la première émission de l'année. Pour les personnes qui découvriraient l'émission, par ici, on parle de la vie émotionnelle des êtres humains, en gros. On parle de relations, d'amour au sens large, de ce qui constitue l'intime. On parle de tout ça avec un éclairage féministe, queer, et puis une analyse qui tient compte des oppressions systémiques, tout ça, tout ça. Moi, je suis une cis meuf blanche, bi, issue de classe moyenne, basse, mais personnellement pauvre. Souvent, je raconte un petit peu ma vie. Je parle de bouquins, je passe de la musique, je râle et je fais de l'analyse sociologique avec, si possible, des phrases compréhensibles sans avoir fait les études universitaires et puis en essayant de pas trop me branler l'intellect. Mais c'est un passe-temps que j'ai du mal à abandonner quand même. L'intellectualisme n'a pas la branlette. La branlette, j'essaye pas spécialement d'arrêter. Cette année, dans des litres de salive, j'avais envie de trouver une thématique générale, un fil directeur pour les émissions qui vont se suivre. Mais comme en cette rentrée, mon cerveau ressemble à un plat de ratatouille au tofu, ce que j'ai trouvé, c'est la thématique des 7 péchés capitaux. Ouais, c'est mon côté soirée à thème en boîte de nuit au début des années 2000, quoi, voilà. Je m'autorise donc à changer de thème en cours de route. Je m'en fous, c'est mon émission, après tout. Et n'empêche, nous y voilà. Les 7 péchés capitaux. Wouhou, Jésus! Et on commence ce mois-ci avec la colère. J'ai pas eu 1000 temps de préparation pour l'émission de ce mois-ci, alors il va y avoir pas mal d'autobiographies, pas mal de musique et puis vraiment pas beaucoup de théories. Plutôt, on va parler de trucs qui me mettent en colère. Voilà, c'est pas ça qui manque, on va pas pouvoir parler de tous les trucs qui me mettent en colère. Et plutôt, on va en parler sous forme d'anecdotes courtes et de questionnements. Et on va commencer avec le travail, source de colère inépuisable. Comme je l'ai dit plus tôt, mon cerveau, présentement, il est bien fatigué et puis j'ai pas beaucoup préparé cette émission. Mais pourquoi donc? Eh bien parce que, en ayant un peu marre d'être continuellement à la dèche avec mon minima social, ayant des projets nécessitant des sous, ayant aussi récupéré une certaine motivation de la vie, et sachant aussi que c'est pour moi une possibilité d'arriver à me faire employer, aux joies, mais quand même. Enfin, tout ça, je me suis dit, allez, retourne faire le travail. Et j'ai été prise pour faire assistante scolaire des enfants en situation de handicap, tout ça. Et ça aurait pu être cool, en fait. Et puis, on m'avait dit, oui, vous irez en lycée, c'est là qu'il y a des besoins, tout ça, machin. Mais en fait, j'ai été affectée d'office et sans entretien préalable dans une école maternelle. Et bon, quand tu taffes avec des enfants de cet âge, bah, tu dois faire la maman, en fait. Tu dois les tenir, les moucher, sécher leurs larmes, faire des jeux passionnants avec elle, telle la dinette. Et moi, j'ai à peu près autant la fibre maternelle qu'une clôture de barbelé. Hein. Et c'est un rôle qui me met super mal, genre vraiment super mal. Du coup, c'est pas fantastique. Et cette situation, elle me génère beaucoup de colère. Hein. Colère qu'on me colle dans une école maternelle, probablement au moins en partie, parce que je suis une meuf et que sûrement j'adore m'occuper de mini-humains pleins de morve. En colère contre moi-même de quand même le faire et d'assez bien y arriver au final. Parce que bah, prendre sur soi en tant que meuf, c'est une seconde nature un petit peu. Hein. Je suis en colère de tous les trucs sexistes, nuls et maltraitants que se coltine cette bonne vieille institution de l'école française où on martèle leur identité de genre aux gosses dès 3 ans à longueur de comptine. Et gna gna gna, et non, toi tu es une fille et toi tu es un garçon, oulala, il faut pas se tromper, oulala, c'est grave, c'est tellement grave. Et je risque de rester en colère jusqu'à ce qu'on me réaffecte ailleurs. C'est pas la première fois que je suis en colère au travail, vous pouvez vous en douter. Et je vais lire un zine que j'avais fait il y a quelques années, il y a genre 5 ans. Un zine du travail. Alors, le zine s'appelle « Des fois, je suis au travail ». Et sur la couverture, il y a Brigitte Macron à la plage. Et elle me dit, sur le zine, elle me dit « Vas-y, arrête de geindre, sale bouffonne du prolétariat. » Voilà. Le travail. Les horaires sont hyper bizarres, midi 22h. Sérieusement, mais qui fait ce genre d'horaire? Comme ça, c'est sûr que tu peux rien faire de ta journée ni de ta soirée. Tu sens bien le truc calculé pour respecter la vie du petit personnel, quoi. Aucune de mes potes a jamais assimilé mes horaires de taf, jamais, et puis j'espère que je bosserai plus avant qu'ils y arrivent. Il y a des variations, bien sûr, sinon ce serait trop simple, et en plus je bosse les week-ends à une fréquence chelou, mais ça me laisse du temps sans travail. Je suis quand même pas bien payée, genre la majoration du dimanche ou même des jours fériés, ça n'existe pas à cet endroit-là. Et c'est tout à fait légal, et d'ailleurs j'ai appris que c'est pareil dans certaines franchises, genre par exemple casino. Voilà. Je bosse donc dans une association et j'ai droit au discours justificatif de « oui mais c'est légal » pour justifier d'être sous-payé quand je pose des questions là-dessus. Donc, tant que c'est légal de bien t'arnaquer, ne t'inquiète pas, on va le faire. Je suis censée faire de l'accueil, je fais aussi du suivi de personnes, voir comment elles sont bien dans le lieu, tout ça, mais ça ne m'occupe pas tout le temps. En même temps, si je passais 10 heures de suite pendant 3 jours à juste m'occuper des gens, je pense que je craquerais un petit peu, mais bon, bref. À tout ça se greffe des tâches d'intendance, des tâches de ménage, alors que le ménage est fait tous les jours par une équipe d'entretien. La quantité de ces tâches supplémentaires varie selon l'humeur de l'équipe de direction, et certaines tâches sont absurdes, comme par exemple nettoyer toutes les portes, alors c'est un lieu où il y a 30 chambres et tout ça, nettoyer toutes les portes du lieu 2 fois par mois. Ou laver plein de trucs déjà propres et qui sont astiqués chaque jour de la semaine. Donc on sent bien que ça a très très peur de nous payer à rien foutre. On pourrait nous accorder que des fois, vraiment, il n'y a rien à faire et pas trouver ça grave vu toutes les fois où on galère, on court partout pendant des heures pour gérer le truc. Mais non. Alors qu'en semaine, hein, quand le personnel de la direction est là, il y a des moments où elle glande, hein, clairement, mais elle discute, alors ça se remarque moins. Et bientôt, apparemment, on aura le privilège insigne d'organiser des ateliers au lieu de faire du ménage. Ceci étant présenté comme un chouette truc qui nous sera permis et qui est pour notre bénéfice à nous. Mais en fait, c'est nous qui offrons un truc si nous organisons des activités. Il y a une espèce de fixation sur les tâches ménagères. Et puis, il y a pas mal de contrôle sur leur réalisation. Et par période, soudain, il y a plein de trucs pas assez bien faits et c'est présenté comme étant assez grave et un signe de laisser aller. Et vraiment, j'ai l'impression que c'est utilisé consciemment ou pas pour maintenir sur nous une certaine pression. Donc, on peut toujours faire mieux, il y a toujours quelque chose à faire. Et j'ai l'impression d'être en face de ma mère, en fait, qui trouvait systématiquement à redire sur des tâches domestiques. Et quand on pense qu'on ne fait pas assez bien et que c'est mis en avant par l'employeur, ça donne un surplus de pouvoir à cet employeur. Ça fait un petit bonus domination, quoi. Et en plus, comme si le truc important dans un taf d'accueil, c'était comment on lave les trucs. Ça ressemble à un énième moyen de renforcer la hiérarchie, de nous filer ces tâches-là. Et ça rend notre statut assez flou auprès des personnes hébergées, et de nous-mêmes aussi, en fait. C'est plutôt déstabilisant. Et on a beaucoup de compétences et de responsabilités, mais on n'en retire aucune reconnaissance, ni symbolique, ni financière. Enfin, voilà, c'est le travail, quoi. Il n'y a pas longtemps, on est passé au tutoiement dans toute l'équipe, et avec les gens de la direction aussi. Et c'était une décision de la direction, bien sûr. Et à la base, le fait de tutoyer des sub-hiérarchiques, pourquoi pas? Mais ça pose quand même question, parce que ça donne une impression d'horizontalité qui peut poser des problèmes. Cette impression, elle peut rendre moins visible et moins exprimable des dynamiques de domination qui sont à l'œuvre dans tout milieu de travail avec une hiérarchie. Et donc, c'est assez confortable pour les personnes en haut de l'échelle, hein, qui voient encore moins les pressions qu'elles exercent et la différence de statut et ses effets, comme par exemple plus de thunes, etc. Mais nous, les effets, on les ressent toujours et on les voit toujours, bien évidemment. Bon, je me plains vachement de ce travail. En fait, je me sens pas super de garder ce boulot, je me sens pas super de me laisser traiter comme ça, et puis de pas juste me barrer comme feraient des gens trop cool. J'aimerais bien moi aussi être trop cool et pas avoir peur de galérer, en fait. Voilà, c'était la fin des extraits d'Usine. Bon, il y a un épilogue à cette histoire professionnelle, hein. Du coup, le zine, je l'ai écrit, photocopié, scanné sur mon lieu de travail, parce que j'étais toute seule, bien sûr, évidemment. Et je le fais et tout. Le soir, je m'en vais et puis je me rends compte une fois chez moi que j'avais oublié mes clés. Alors, je fais demi-tour, je croise ma collègue qui fait veilleuse de nuit, je retrouve mes clés sur le scanner parce que, j'avais mis la clé USB qui est accrochée à mes clés dans le scanner pour récupérer les scans des pages et tout. Et à tout hasard, j'ouvre le scanner. Et là, une page d'usine où je démonte les personnes de la direction était restée dans le scanner, en fait. Et ça aurait pu être la très forte gênance pour ma gueule en arrivant au taf la fois suivante. Alors, j'ai repris ma page et je suis partie. Et 3 mois après, j'ai démissionné. Thank you. c'était Sexy Sushi avec Je refuse de travailler. Maintenant, on va parler d'un phénomène que je connaissais pas avant cet été. Enfin voilà, je sais pas comment j'avais pu l'ignorer hein, en fait, mais voilà. On va parler du harcèlement nautique. Donc j'ai découvert ça, le harcèlement nautique. Parce que maintenant, la terre ferme ne suffit plus aux têtes de cul diverses et avariées pour nous faire chier. Et donc, pendant que je nageais tranquillou dans la Méditerranée à Canet-Plage, je vois un type qui vient nager vers moi, là. Et il fait des allers-retours, comme ça, comme s'il faisait des longueurs, mais en se rapprochant, tel un requin de reloutude, en recherche de contact visuel. Et bon, au début, je me dis, mais non, il peut pas faire ça, ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est juste, il se trouve que c'est l'endroit le plus sympa pour nager, ou j'en sais rien, quoi. Je vais pas me faire harceler dans la mer, quand même. Mais si, fin du suspense, si. Le gars se rapproche encore, malgré le fait que j'essaye désespérément de l'ignorer et que je le témoigne vraiment que je souhaite l'ignorer en regardant partout, sauf vers lui. Et donc il s'approche et il me fait « Ah, vous nagez bien, mais quelle verve, monsieur, et quel sens de l'observation aiguë !» Non mais j'ai halluciné en fait, et je lui dis « Ouais, c'est ça, ouais !» Et il s'est éloigné. Et moi, j'avais la rage aquatique, voilà. Ah, j'ai aussi été harcelée en faisant mon footing, et puis par le même gars qui m'avait harcelée en faisant mon footing, qui m'avait reconnue pendant que je rentrais chez moi un soir. Des types m'ont fait chier tout l'été dès que je mettais le nez dehors et j'ai eu la haine sans savoir qu'en faire pendant un certain temps. Mes seuls moments de répit à l'extérieur où je me disais pas trop que être en short allait nécessiter du courage, c'était quand j'étais en compagnie d'un type 6 et ça aussi, ça m'énerve de devoir compter là-dessus pour avoir la paix. Et ça me fait marrer quand même de rôter sur les types qui me harcèlent, hein, ça, c'est rigolo. Mais jamais j'aurais assez de gaz dans le corps pour exprimer toute ma rage. Toute la rage et toute la haine qui m'incarne. Et on écoute maintenant toute la haine qui m'incarne, hein, vous l'aurez compris. Du coup, c'est encore Sexy Sushi. Mais ouais, voilà, je fais ce que je veux. Du coup, je mets plein de Sexy Sushi. Thank you. continuer sur les chansons, sur la thématique du harcèlement, j'avais vachement envie de passer un morceau d'un groupe qui s'appelle Douche Froide. Le morceau s'appelle Stop. Et il parle de propositions sexuelles sournoises et absolument non sollicitées quand t'es une meuf et tu fais du stop. Mais j'ai oublié de le mettre sur ma clé USB, bien sûr, sinon c'est pas très amusant, mais enfin voilà, vous allez trouver si vous avez envie d'écouter Stop de Douche Froide. C'est vraiment très très super. Et bah, à la place, hein, on va mettre un petit Rico Nasty, qui est une rappeuse états-unienne, avec le morceau Rage. Goodness gracious, I might give a fuck on a rare occasion. I was in my socks too, cause it's outrageous. Do what you gonna do, you don't gotta explain it. I just boot it up, so I'm concentrating. How much money can I make on vacation? Walk up in the party, now they eyebrows raising. Two bands on my shoes, they ain't even got lace. Cause this shit ain't for sale. I can't trip off a basic bitch, cause I might break your nail. You a fucking donkey, I'ma let this chop up in your tail. I'm stuck in traffic, music blasting. They wanna know how it happens. Salute me like I'm the captain. You bitches is not a challenge. I'm talking shit for a reaction. Want action, I'm snapping. Stop with the ragging Balenciaga, my fashion. My bitch is raging and blacking out. Keep my name out your fucking mouth before you find out what we about. Type of shit that you read about. If you talk it, now I want it, been bleeding out, but we still got to speak out loud. Give a fuck if you reaching out. I like bad bitches who be raging. Yeah, raging, raging, raging, raging. Like bad bitches who be raging, raging, raging, raging, raging. What the fuck is Des fois, c'est énervant d'être bisexuel ou pansexuel, enfin de pas rentrer dans une des cases des monosexualités. C'est pas énervant en soi, hein, ça, y aurait pas de problème. Hein. Bon, c'est énervant à cause des réactions des autres, hein, bien sûr, comme tout le reste. Et bah, je vais vous lire des témoignages dont je me suis sentie proche que j'ai trouvé dans un zine assez cool. Un zine qui s'appelle le Be or Not to Be. Là, on voit là les bis et leur humour toujours de qualité. Et ça vaut mieux pour nous. Je commence avec le premier témoignage. C'est des témoignages plutôt en forme d'interview. Alors. Et c'est parti. Qu'est-ce que ça implique pour toi d'être bi, individuellement et socialement ? Je dirais que ça n'implique rien du tout. Personnellement, je ne me définis pas comme bi, sauf quand on me demande de me positionner dans les conversations du type « Mais toi, au fond, t'es quoi ?» qui ne m'intéresse pas tellement. Je ne m'identifie comme rien du tout. J'ai toujours été attirée par les filles d'une certaine manière et par les garçons d'une autre manière. Ça n'a pas la même place dans ma vie affective et sexuelle, ni dans mes fantasmes. L'effet que ça a sur mes relations avec les hommes et les femmes est certain. J'ai toujours été à l'aise avec les garçons, sans doute une sorte de complexe de supériorité parce que je sens que j'ai du pouvoir sexuel sur eux, et très mal à l'aise avec les filles. Je me sens gourde, gauche, surtout avec les filles que je trouve jolies. Je me sens surtout mal à l'aise avec les filles qui sont pas comme moi. Donc je suis grande, assez puissante, un peu grosse, avec des petits seins. Je suis pas très féminine dans mes manières, bien que je me maquille et m'habille en fille. et c'est une chose avec laquelle je suis très à l'aise normalement. Mais quand je suis face à une fille fragile, frêle, petite, un peu bébête mais terriblement jolie et attirante, je me sens 10 fois plus grosse, grande et laide que je ne suis, et je ne sais pas comment lui parler. J'ai toujours attaché ça au fait que la féminité est un problème pour moi et au fait que face à une fille jolie, je me retrouve comme un adolescent bébête qui ne sait pas quoi faire de ses 10 doigts devant la fille qui lui plaît. Socialement, par contre, c'est-à-dire à la fois avec mes amis homosexuels et mes copains, c'est toujours un truc qui soit les embête, qu'ils ne comprennent pas, ou un truc qu'ils trouvent cool, alors que ça n'est pas plus qu'autre chose. Ma meilleure amie, qui est une fille avec qui je suis restée 3 ans, ne comprenait pas que je ne sois pas homosexuelle et ça la gênait beaucoup, même si elle a commencé par dire à sa mère qu'elle était bi pour faire passer la pilule en douceur. Je pense que c'est parce qu'elle aime bien mettre les gens dans des cases, et aussi parce que pour elle, la bisexualité reste attachée à l'idée de flottement, de non-choix définitif, et qu'elle pense que c'est pour ça que je suis volage. Je suis volage, hein, mais ça n'a rien à voir avec le fait que j'aime les filles et les garçons. Elle était donc angoissée face à cette possibilité qu'elle n'envisage pas du tout pour elle. Pour elle, il y a les hétéros, les lesbiennes, les PD, les autres, et les autres, ils doivent choisir. Mais elle a compris que moi, c'est moi, et elle a intégré cette partie de ma personnalité et à ma personnalité entière. Je ne pouvais pas être autre chose que bi au fond me connaissant. Voilà ce qu'elle m'a dit une fois. Pour ce qui est de mes copains, je ne sors qu'avec des garçons et je suis actuellement en couple depuis 3 ans, ils voient plutôt ça comme un plus et mon Dieu que ça m'agace. Mais mon copain actuel a compris, je l'espère, que le fait que j'aime et fantasme sur les filles ne le regarde absolument pas. Ce qui est clair, c'est que pour mes amis homo, je ne suis pas homo, donc je suis plus hétéro qu'homo et ça compte plus, que pour mes amis hétéros, je ne suis pas hétéro, le fait que je sois un peu homo fait pencher la balance de l'autre côté, donc quand on est un petit peu homo, on n'est plus du tout totalement hétéro. Et quand on est un petit peu hétéro, quand même, on n'est plus du tout homo. Bon, j'avoue que j'ai du mal à saisir, mais si ça peut tous les rassurer, moi je m'en fiche. Pour toi, être bi, est-ce que ça implique d'être libre dans tes relations ? Ouverte à plusieurs relations en même temps. Comme je l'ai dit, je suis volage, au sens où je ne conçois pas que mon engagement dans une relation avec quelqu'un m'empêche de m'engager dans d'autres formes de relations avec d'autres gens. Je ne peux pas suivre de front 2 relations du même genre, donc avoir 2 foyers, quoi, mais je crois que j'arrive à avoir toutes sortes de relations différentes avec des gens différents à tout moment de ma vie. Et je ne suis pas du tout sûre que ça ait quelque chose à voir avec ma bisexualité. Par contre, ce qui m'agace, c'est l'effet que mon positionnement un peu aléatoire a sur les filles hétéros et mes copains hétéros. Les filles hétéros voient le fait que je sois bi comme une ouverture. Je suis sans doute la fille toute désignée pour leurs envies d'aventure. Et bien que certaines de mes copines me plaisent énormément en tant que fille, je n'ai jamais cédé à cet appel. Une fois, j'étais dans un bar gay avec une copine qui aime beaucoup plaire aux hommes. Elle se sentait délaissée, elle s'est donc tournée vers moi pour flirter alors qu'elle est 100% hétéro, comme elle dit. Eh bien, au lieu d'en profiter, je l'ai envoyé chier, alors que j'aurais pu flirter avec cette superbe fille que j'adore, sur laquelle je fantasme même. Mais c'était pas correct de sa part, et ça n'aurait pas été correct de ma part d'en profiter. Je trouve que ce genre de comportement me met dans la position de lesbienne de service, et qu'au fond, ce qui intéresse les filles, ça n'est pas moi personnellement, mais ce que je représente à ce moment-là. Donc ça n'est pas me respecter individuellement. C'est le fait que j'ai déjà léché une chatte qui les intéresse, hein, et pas moi en tant qu'individu. Et inversement, le fait que je sois pas lesbienne fait de moi quelqu'un qui n'est pas dangereux. Je risque pas de tomber amoureuse d'elle. Donc c'est bien pratique pour elle, mais moi je n'aime pas. Mes copains, quant à eux, voient toujours le fait que j'ai été en couple avec une fille et que je sois attirée par les filles comme une invitation à faire un plan à 3. Mon Dieu que ça m'agace, hein, et je crois que je ne suis pas la seule. Le truc que je leur explique et qui est très clair pour moi, c'est que ma vie affective et sexuelle me regarde. Je la partage un peu avec eux, donc s'il s'agit de faire un plan à 3 avec une fille, soit ça peut être cool, mais ça ne sera pas pour moi équivalent avec le fait d'avoir une relation avec une fille qui me plaît. Inversement, si une fille me plaît et qu'il y a entre nous un jeu de séduction, je ne la présenterai jamais à mon copain pour l'intégrer dans une relation sexuelle à 3. C'est simple pour moi, mais je ne sais pas si tout le monde comprend bien. Par exemple, j'ai pas les mêmes fantasmes sexuels dans les 2 situations. Dans un plan à 3 avec une fille et mon copain, je ne m'imagine pas du tout faire et désirer les mêmes choses que lorsque je fantasme sur ma relation individuelle avec une fille qui me plaît. Le fantasme numéro un de mon copain, par exemple, c'est que je lui offre une fille, que je la choisisse, que je la fasse mouiller et ensuite que donc je lui offre. Alors soit, c'est un fantasme sympa, mais dans ce cas, je choisirai une fille qui lui plaît, à lui, et pas une fille qui me plaît à moi, parce que sinon je vais être jalouse de la lui donner. Et si j'ai une relation sexuelle avec une fille qui me plaît, et que mon copain y voit une occasion pour s'immiscer dans cette relation entre nous, je le prendrai très mal. Vraiment, ça me semble très clair et simple. Dans ma tête, c'est limpide, mais ça n'est jamais facile à expliquer. Ah, c'était la fin du premier témoignage. Je sais pas, peut-être c'est long un peu. J'en sais rien, mais j'ai vraiment envie de lire le deuxième. Donc je vais le faire. Le deuxième qui parle un petit peu plus de colère et de sentiments d'exclusion. C'est un texte qui s'appelle « Les filles aussi ». Quand j'étais adolescente, je me disais « les filles aussi ». Aussi comme si j'étais principalement hétéro ou aussi comme une transgression à ma socialisation en milieu hétéro. Aussi comme un petit cadeau qu'on se fait à soi-même, un plaisir qu'on s'octroie mais qui n'est pas vraiment raisonnable, un truc un peu luxueux. D'abord, il y a eu les garçons. Mais c'était plus facile, les garçons, c'est dans l'ordre des choses. Il y en avait autour de moi, alors que des filles qui aiment les filles, il n'y en avait pas trop. J'étais amoureuse de ma meilleure amie, mais je m'en rendais à peine compte. Elle était hétéro et mon semblant de déclaration a fait un flop. Alors j'ai cherché des filles qui aiment les filles. Jeune adulte, à la fin des années 90, j'étais passée à côté du Minitel et Internet n'était pas en accès quotidien. D'ailleurs, je n'avais pas idée d'y chercher des lesbiennes. Mes amis gays vivaient des histoires avec des garçons, j'étais désespérée d'être en reste, à un âge où la quête d'expérience est une préoccupation majeure. Et puis j'avais envie de confirmer ce que je pensais ressentir. Les filles aussi ou pas alors? À cette période-là, j'allais à la marche des fiertés et j'ai fait mon entrée dans les réseaux féministes. J'ai rencontré des lesbiennes qui m'ont prêté des numéros de Lesbia Magazine. Je me souviens d'une petite annonce qui m'avait particulièrement heurtée. Une femme qui cherche une autre femme finissait son texte par « bisexuelle et alcoolique s'abstenir ». À l'époque, ça me paraissait très répréhensible d'être alcoolique et j'aimais pas être assimilée à une alcoolique. J'expérimentais pour la première fois la biphobie et ce serait pas la dernière. Suis-je bisexuelle? Par défaut, c'est l'identité que je m'attribue le plus souvent. Quand je suis dans une relation avec un garçon, je la garde, je la défends. Mais quand je suis dans une relation avec une fille, j'ai plus tendance à l'abandonner pour me dire lesbienne. Parce que c'est plus classe, parce que c'est ce que je crois que ma partenaire attend. Parce que c'est ce que j'ai l'air d'être. Aussi par loyauté envers les lesbiennes, par positionnement politique contre la lesbophobie et par crainte de la biphobie. Parfois, ça passe mieux de se dire bi en milieu hétéro-mainstream, souvent pour des mauvaises raisons, hein, parce que ça fait cool et que ça excite, plutôt qu'en milieu lesbien ou féministe lesbien. Une bi, n'est-ce pas une lesbienne qui s'assume pas ou n'est-ce pas une hétéro qui se donne des frissons mais qui ne se coltine pas la lesbophobie quotidienne et qui brise le cœur de lesbienne au passage? Une bi, n'est-ce pas une traître? Mais finalement, non, je me sens pas traître. Illégitime, oui, souvent. Ce qui émane des représentations sur l'identité lesbienne, de certains discours, c'est qu'une lesbienne, elle n'a pas de relation affective et sexuelle avec des hommes. No way. Par conséquent, je ne m'autorise pas toujours à me dire lesbienne. C'est un statut inaccessible. C'est comme la classe moyenne dans laquelle j'évolue et dont je ne suis pas issue. Je n'ai pas les codes. Je n'ai pas eu le bon parcours. Je me dis alors que la classe moyenne ou lesbienne, eh ben, c'est pas tout à fait ma place. J'aime bien l'idée de la bisexualité, une sexualité ouverte et non figée. J'y associe étroitement la notion de liberté, car la bisexualité permet de s'émanciper de l'injonction à l'hétérosexualité de la société et de l'injonction à se positionner clairement et définitivement dans certains milieux féministes lesbiens. Mais en même temps, la bisexualité reste une catégorie. Les catégories homosexualité, hétérosexualité, bisexualité mettent de côté la question du désir et du plaisir. J'ai vécu des histoires affectives et ou sexuelles avec des gays ou des hommes chez qui la socialisation hétérosexiste n'avait pas, et c'est heureux, fonctionné à 100%. Il y avait bien un homme et une femme. Pourtant, j'ai pas eu l'impression que c'était des relations hétérosexuelles. De plus en plus souvent, je vois avec plaisir la rigidité des catégories prendre des coups, notamment autour d'amis en amour avec des personnes trans. Certaines de ces relations font voler les catégories en éclats. Aujourd'hui, je me mets beaucoup moins de pression qu'avant pour me définir. J'étends le domaine de ma liberté à ne pas me définir ou à changer d'identité en fonction de l'humeur, de ce que je vis, d'avec qui je le vis, d'avec qui je parle. Rien de définitif. bisexuel fait partie de ces identités possibles, et de cette identité découlent les autres. Et je ne me dis plus les filles aussi, mais les filles surtout. Et c'était un texte de Free Will. On va faire, on va écouter une petite chanson qui s'appelle Bisexual, hein, oui bien sûr. C'est une chanson d'un groupe qui s'appelle Girlwood. Et bon, bah, dans la chanson, la meuf, elle dit qu'elle a une pote qu'elle a super envie de pécho. Et sa pote, elle lui dit tout le temps qu'elle est bisexuelle, mais en même temps, elle lui parle tout le temps de son petit ami. Alors que bon, bah voilà, son petit ami, l'autre, elle s'en fout. Elle voudrait surtout savoir s'il y a bien moyen. Après cette cool chanson, on va passer à la thématique suivante, le sujet de colère et d'irritation suivant, qui est sans fin et sans fond. Et du coup, je vais parler des relations affectives avec des mecs cis, voilà, wouhou. Et je vais revenir plus exactement sur une question de vocabulaire concernant ces relations-là. Parce que ça m'est arrivé pour parler d'un type avec lequel j'avais relationné et par exemple je stressais de le croiser ou ça me mettait mal à l'aise ou l'idée de le voir était très inconfortable et me conduisait à un effet kryptonite quoi, tu vois, tu te sens pourri quand la personne est là, enfin bref. Du coup, ces émotions-là à l'idée de croiser la personne peuvent durer un certain temps après la fin d'une relation. Et quand j'étais dans des situations comme ça, j'ai pu dire des trucs du genre « Ah bah non, il m'a pas agressé, il a juste fait des trucs de type en relation, quoi. » Et ce que j'entendais par « trucs de type en relation », c'était alors notamment une absence de communication, une absence de réponse, une disparition et réapparition dans ma vie sans préavis, ni signalement, ni rien du tout, une absence de possibilité d'une quelconque conversation sur le sujet de la relation, de la rétention d'informations sur ce qu'il veut, sur ce qu'il pense, sur ce qu'il ressent, enfin bref, tous les trucs qui font qu'on a peu de pouvoir sur comment ça se passe la relation à un niveau matériel aussi, hein, de... planning tout simplement, ou de degré d'investissement qu'on peut s'accorder ou pas, etc. Donc, des trucs qui font qu'on n'a pas de pouvoir sur comment ça se passe, alors que le type, bah si, du coup. Et il y a aussi, dans ces comportements de type pas cool, quoi, L'absence de solidarité, de pas reconnaître les oppressions qui touchent les meufs et surtout pas leurs copines, parce que ça pourrait vouloir dire qu'il faut se remettre en question. L'absence d'empathie et les conséquences de l'absence d'empathie, la mise en avant de leurs émotions uniquement pour silencier les nôtres et prendre toute la place, le recours à la menace de mettre fin à la relation de façon claire ou voilée, la manipulation donc. En face de ça, nous, on fait des trucs qu'on ne veut pas vraiment dans beaucoup de contextes pour ne pas risquer d'avoir l'air chiante si on l'ouvre. Enfin voilà. Donc ça résulte de tous ces comportements moisis de type. Vous pouvez écouter mes autres émissions, notamment celle de juin dernier où à un moment je crois que je décris ces trucs-là, voilà. Et vous pouvez aller lire un article sur un blog WordPress qui s'appelle Fille à matelot et l'article s'appelle La plus belle trahison, voilà. Sinon, vous pouvez trouver d'autres sources toutes seules et toutes seules parce que ben je suis pas votre maman. Je pensais que c'était clair. Je vais être la maman de personne, voilà. Désolée. Donc tous ces comportements de merde en relation. Eh ben, j'ai eu tendance des fois à dire « Ah, il fait le connard, ah, il fait des trucs de type. » Mais quelque part, ça minimise ce que sont ces comportements. Voilà, parce que « Ah, mais après tout, c'est pas des agressions, du coup, c'est pas si grave. » Mais tous ces comportements, en fait, ça s'appelle des comportements abusifs, qui sont très communs, certes, qui sont indétachables des relations avec les six types, mais c'est quand même comme ça que ça peut être désigné. Et si la dynamique générale de la relation, elle est guidée par ces comportements, et que c'est plus des comportements abusifs ponctuels comme, bon, tout le monde peut en avoir occasionnellement, eh ben, la relation elle-même devient une relation abusive. Alors, en fait, au lieu de dire « Ah, il a fait le connard », eh ben, dorénavant, je dirai les mots, et je dirai « comportement abusif, abus, relation abusive ». Et ça fera pas redescendre ma colère, mais au moins, on sera fixé, et puis regarder les choses en face, ça peut aider à les digérer, voilà, qui sait. Et à propos de digérer, enfin justement de pas digérer, on va écouter Beyond Pink avec leur morceau In Our Hearts, We're Puking. Dans nos cœurs, nous vomissons. Suivant, certaines féministes dans des médias mainstream, pseudo-alternatifs, culture bourge, tout ça. Alors, je sais, c'est mal de critiquer les camarades féministes au lieu de faire la solidarité, mais déjà, elles ne méritent pas toutes, peut-être, notre solidarité, voilà, loin de là. Et bon, là, peut-être je vais pinailler un peu, mais j'ai l'agacement quand même. Alors, donc, des fois, les féministes, dans les médias mainstream, pseudo-alternatifs, bourges, tout ça, en se plaçant en tant que détentrices de savoir sans avoir trop d'humilité, alors qu'elles disent des trucs qui ont 20, 30, 40 ans, voire beaucoup plus, elles m'énervent. Genre des trucs sur les relations, là, Mona Chollet et compagnie, Victoire Tuaillon, tout ça. Alors que des écrits remettant en question de façon assez similaire, voire plus pointue, hein, en vrai, l'hétéropatriarcat dans les relations existe depuis plus de 100 balais, et puis dans un style plus contemporain depuis une vingtaine d'années. Donc on va avoir des écrits de Alexandra Kollontai, par exemple, sur les relations et l'hétéropatriarcat. Et puis plus récemment, un ouvrage collectif qui s'appelle « Au-delà du personnel » et qui est dirigé par Corinne Monnet, qui parle de relations aussi. Et ben, en fait, il y a un côté cool à ce que la remise en question du fonctionnement des relations hétéra, que cette remise en question, elle soit maintenant mainstream, que les dysfonctions des relations hétéra, elles soient mises en avant. Mais le fait que ça soit approprié par des personnes de, plutôt de classe supérieure, avec beaucoup de visibilité, des personnes hétéra tout le temps, bah déjà, ça ramollit un petit peu le message, quoi. Et puis, il y a ce phénomène de bourges qui se placent en posture d'experte et qui surestiment leur légitimité à traiter un sujet. Et ça, c'est assez agaçant. Voilà, ça m'énerve. Je sais que là, de suite, j'ai pas d'argumentaire imparable, mais je sens, là, dans mes tripes, que ces petites bourges hétéra bien vêtues, bien qu'elles puissent avoir un discours intéressant et des capacités d'analyse, bien qu'elles subissent forcément aussi le sexisme et qu'elles puissent comprendre, eh ben ces personnes, elles parlent pas pour moi, ni pour ma remise en question radicale du genre, des relations et de comment ça se passe la nique. On va écouter un groupe qui s'appelle Mafa, avec un son qui est « Not Your Exotic ». Cette chanson, elle parle de ce qu'on appelle en France, qu'on peut appeler, certaines militantes en tout cas le font, le misogynoir. C'est l'oppression spécifique qui se trouve au croisement du sexisme et du racisme. Oppression spécifique qui est faite aux femmes noires. Et la chanson, elle parle des clichés sexistes qui portent sur les meufs noires et de la violence qu'elles subissent aussi à cause de ces clichés. Maintenant, il est temps pour dire quelque chose qui va marquer un engagement de ma part très très radical. Et vraiment, je suis très très en colère par rapport à ça. Voilà. Et c'est hautement politique. Et vraiment, il faut s'en parler. Vraiment. c'est que, en fait, le Schweppes agrume, c'est pas du Schweppes. Et il faut cesser de servir ça aux gens qui ont demandé un bon vieux Schweppes à papy. Voilà, il faut arrêter de nous servir cette immonde variante fade et qui manque de caractère et d'intérêt totalement. Il faut arrêter de croire qu'on n'aime pas l'amertume. On adore l'amertume. En tant que meuf, dans ce monde, on a plutôt intérêt à aimer l'amertume. Alors, laissez-moi boire du Schweppes. Laissez-moi faire le choix de l'amertume. Voilà. Bon, bah, c'était tout. Un petit moment agenda, peut-être ? Alors, pour l'instant, agenda, parce que ça va être très bref hein, quand même, je vous le dis tout de suite. Donc ce mardi à 16h, à la gueule noire, c'est l'atelier coiffure du bilboquet. Mais qu'est-ce donc que le bilboquet, me direz-vous ? Le bilboquet à Saint-Étienne. Le bilboquet, c'est un infokiosque, une fanzinothèque, des ateliers et partage de savoir, des projections. Le bilboquet, c'est également boire des bières et des tisanes en parlant d'abattre le patriarcat et le capitalisme. Permanence les mardis de 16h à 19h à la Gueule Noire, au 16 rue du Mont, à Saint-Étienne. Le bilboquet, c'est cool. Voilà pour l'agenda. Vais-je arriver à redescendre de mes colères ? Est-ce que je vais arriver à me détendre ? En même temps, est-ce que vraiment c'est la chose à faire, de se détendre ? On serait qui sans nos colères face à l'injustice ? Comment on se poserait des questions si ça nous secouait pas un peu, si ça nous faisait que de la réflexion intellectuelle tranquille de personnes calmes avec des chemises fluides imprimées sur des gilets beige oversize ? On serait qui en fait ? On se quitte avec un groupe qui a une bonne maîtrise de l'énervement musical et qui s'appelle Black Dresses. Avec leur chanson Money Makes You Stupid, l'argent te rend stupide. Myself, I wanna be scattered like a memory, scattered like a stupid little dream, like a stupid little dream come true. What is it mean? Yeah. female.